Double X on the track, bitch. Me tombe pas où irrésiste de partir. Je sais qu'un jour le tout le monde va partir. Je t'ai pas connu en même temps que mes amis. Mais j'ai toujours espoir parce qu'il suffit qu'une fois. On gagnait à l'euro million en buvant un café et oublier l'hiver parce que ça fait longtemps, longtemps. Ça fait longtemps qu'on espère mais qu'on sera mieux au printemps. Et tant qu'on se lève le matin, on se dit toujours que ça va. Jusqu'au jour où c'est fini, sans rien dire, elle s'en va. Du moment que j'ai son petit cul, frérot, je me sens comme un roi. Et je nous imagine loin, juste ma copine et moi. Et ma copine et moi. Et ma copine et moi. Et ma copine, juste moi. Juste ma copine et moi. Et ma copine et moi. Et ma copine, ah, tout le monde connaît. Ma copine et moi, et ma copine, juste moi, juste ma copine et moi. Baby, je t'aime, je donnerai tout ce que j'ai pour toi. Pour t'offrir un petit peu de soleil, des bottes, maison, magie là. On a tellement de sons à écouter, tellement de films à aller voir. Mais on se fera sûrement de bisous en gardant un tellement vrai ce soir. Me demande pas où j'irai si je devais partir. Je sais qu'un jour ou l'autre tout le monde doit partir. Je t'ai pas connu en même temps que mes amis. Mais j'ai toujours espoir parce qu'il suffit d'une fois. Pour faire des enfants, on gagnait à l'euro million. En buvant un café et oublier l'hiver. Parce que ça fait longtemps, longtemps. Ça fait longtemps qu'on espère. Mais on sera mieux au printemps.